carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, des couleurs carnaval, des couleurs carnaval, des couleurs carnaval. Aujourd'hui c'est jour de fête, tout le monde change de tête. On met du rouge sur ses pommettes, dans les rues on chante à tue-tête. Deviens qui tu voudras, une reine ou un roi. Deviens qui tu voudras, princesse ou Dracula. Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, des couleurs carnaval, des couleurs carnaval, des couleurs carnaval. Oh, quelle ambiance dans la rue, tohu bohu, c'est le chahut. On voit des chapeaux ronds et pointus, des perruques et des nez crochus, des costumes colorés et des visages masqués. Des costumes colorés, c'est le grand défilé. Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, des couleurs carnaval, des couleurs carnaval, des couleurs carnaval. Les serpentins et les cotillons tombent du ciel comme des flocons. Des confettis lancés par milliers laissent les rues ensoleillées. Les chanteurs, les danseurs apportent leur couleur. Les chanteurs, les danseurs apportent leur bonne humeur. Carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, carnaval, des couleurs carnaval, des couleurs carnaval, des couleurs carnaval. Carnaval, des couleurs carnaval.